Je peux écrire de belles chansons. Tu ne les écoutes plus. Je peux écrire une chanson sur toi. Tu ne l'écouteras pas. Tu n'en as rien à foutre de moi. Je n'ai vraiment plus rien à faire à part attendre.